Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue chez Docteur Disco. C'est notre dernière émission de l'année avant les rediffusions d'été. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un extrait de ma playlist. Le premier n'est peut-être pas disco-funk, mais il est parfaitement en adéquation avec la période, puisqu'il s'agit de Madonna et de son Holy Days. Il s'agit du troisième single de Madonna. Il est extrait de l'album Madonna, sorti en 1983. La chanteuse y raconte les sentiments que chacun peut éprouver au sujet des vacances. La chanson avait déjà été refusée par Phyllis Hyman et Mary Wilson du groupe The Supremes. Le tube sera numéro 1 aux USA. Décollage immédiat. We'll be right back. Alors, mon second coup de cœur est pour un groupe que j'affectionne beaucoup, Shalamar. Extrait de l'album Friend, sorti en 1982, The Wizard fait partie des 3-4 top chansons du groupe. Il a atteint le top 5 en Angleterre, tout comme A Night to Remember avant lui. La chanson a été classée 9e dans le classement des chansons de l'année 1982. Du bon et de l'efficace donc, je vous laisse déguster. Way back home, girl, you're mine, now that we La suite, si vous me suivez depuis le début, vous allez deviner qu'il s'agit de France Jolie, une de mes préférées. Don't Stop Dancing est extrait de son album France Jolie, sorti en 1979. Il s'agit de son second single paru. Cette chanson est un tube imparable et sa diffusion dans les discothèques durant cette année est phénoménale. La chanteuse sera d'ailleurs nommée à l'équivalent des Victoires de la musique canadienne en 1980. C'était en 1979 et ça donnait ça. Listen to me. Passons à la suite de ma playlist de la saison. Une découverte que j'ai fait avec vous un samedi de mars. Oliver Cheatham avec son Bless the Lady, sorti en 1983, m'a fait regarder l'artiste sous un autre jour que Get Down Saturday Night. Extrait de son album Get Down Saturday Night, il s'agit du second single. Bon, c'est sûr qu'on ne peut que durement rivaliser avec le tube précédent, mais quand même, ça vaut le détour. Évidemment, comme toujours, pour Oliver Cheatham, spéciale dédicace au Gax. Je vous laisse juge. Bless the lady of the world. Petite chanson sympa pour conclure cette saison, Wham avec son Club Tropicana. Club Tropicana est né en 1981 dans le salon d'Andrew Ridgeley, avant que le groupe ou le nom du groupe ne soit pleinement établi. C'est le deuxième titre écrit après le premier Wham Rap, Bien qu'à moitié terminé au moment de l'enregistrement, il va devenir l'une des trois démos réalisées à la hâte. Ce titre va conduire pourtant à leur premier contrat d'enregistrement avec Inner Vision Records. L'inspiration initiale de la chanson vient de leur enthousiasme pour le glamour de la scène des clubs New Romantic, alors en plein essor, et les visites occasionnelles de George Michael, Andrew Ridgeley et Shirley Holliman à l'un de ces clubs à Londres, le fameux Beach Road. Le thème lyrique de la chanson est ensuite élargi pour inclure également l'hédonisme des vacances estivales, tout en fusionnant musicalement avec un rythme de jazz latin, avec un groove inspiré de Burn Rubber on Me de The Gap Band. Le titre sera disque d'or en Angleterre. On y revient toujours au funk. C'est parti. Voilà pour ce dernier morceau de l'année. Je vous dis bonne soirée et rendez-vous en septembre pour d'autres numéros. Et surtout, une surprise. Bye bye.